Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le couple Joan Mitchell, Jean-Paul Riopel. À mon avis, Jean-Paul Riopel et Joan Mitchell étaient un couple magnifique, comme Frida Kahlo, Diego Rivera. Oui, bon, oui, il y a des oui. couples de peintres comme ça. Joan avait une personnalité très, très forte aussi. C'était une peintre dans toute, une grande peintre, autant que Riopel est un grand peintre. Joan, c'est pas tellement qu'il avait peur qu'elle lui fasse ombrage, c'est qu'elle était, d'une certaine façon, un peu menaçante elle-même. C'était une femme qui était féroce à bien des égards. La relation entre Joan Mitchell et Jean-Paul Riopel ne sera jamais simple. Ce n'est de fait jamais simple quand deux pareils géants se rencontrent. Pour Hélène de Billy, la biographe de Riopel, que vous entendiez au micro de Marie-France Bazot à Indicatif présent en 1996, Mitchell et Riopel appartiennent à la catégorie des Frida Kahlo et Diego Rivera, ces couples de créateurs dont l'œuvre marque une époque et dont la vie appartient à la légende. Joan Mitchell était son équivalent. C'est sa muse, mais en même temps, c'est sa rivale. C'est une artiste de très, très grand talent qui vivait aussi rapidement à 100 km/h que lui, qui buvait autant que lui, qui était aussi colérique que lui, qui était aussi intelligente que lui, et les deux en face à face. Et ces deux artistes dont la puissance du trait, quand on regarde leur toile, là, ça déborde. Surtout le jeune Riopel, le jeune, je parle jusqu'à 50 ans, là, avant que la maladie commence à l'obliger à changer de médium, c'est tellement puissant comme art. Il faut que ça vienne d'une vie qui est tumultueuse. C'est des volcans. Alors le clash entre ces deux artistes-là se retrouvait sur l'étoile. Le réalisateur Pierre Houle, auteur d'un documentaire sur Riopel, dont on entendra d'ailleurs quelques extraits au cours de cette émission, au Montréal Express du 13 mars 2002, pour nous raconter cette tumultueuse mais ô combien féconde relation sur le plan artistique entre Joan Mitchell et Jean-Paul Riopel. Je reçois Michel Martin, le commissaire de l'exposition Mitchell-Riopel, un couple dans la démesure, présenté au Musée national des beaux-arts du Québec à Québec. Michel Martin, bonjour. Bonjour. Pour enchaîner sur ce qu'on vient d'entendre, ce couple-là, Mitchell Riopel, il fait partie pour vous de ces grands couples de créateurs comme Kahlo Rivera, comme Claudel Rodin avant eux? Très certainement. Ouais. En fait, mais par contre, c'est une révélation. Hein? C'est une révélation pour tout le monde parce que on les a jamais mis vraiment dans cette continuité-là jusqu'à maintenant. Et je pense qu'en travaillant sur le couple lui-même, parce que c'est un phénomène un peu inédit, là, c'est un projet tout à fait inédit, ce projet d'expo. On considère donc que Joan Mitchell et Jean-Paul, quand ils se rencontrent, ils ont déjà chacun une part de chemin d'accompli. Et Joan Mitchell est déjà dans un processus d'identification, d'affirmation de son travail, de sa personnalité. Alors, et Jean-Paul, lui, est déjà rendu à un certain niveau de reconnaissance. Donc, comme ça a été mentionné tout à l'heure, on dit vraiment que c'est deux personnalités très fortes qui se confrontent. Et qui se nourrissent. Ils se nourrissent, parce que la confrontation pourrait dire que ça peut venir un peu plus tard, mais au moment où ils se rencontrent, ils se nourrissent parce qu'ils se découvrent l'un l'autre, découvrent le travail de l'un et de l'autre. C'est en 55 que commence cette relation. Ça va durer presque 25 ans, cette relation entre Mitchell et Riopel. Ils en sont où? Vous l'avez un peu évoqué. Ils sont pas du tout au même endroit dans leur carrière, mais ils en sont où respectivement dans leur carrière? Il faut penser que, bon, Joan est né en 1925, donc quelques années après Jean-Paul, qui est né en 23. Donc, quand elle arrive à New York, au début des années 50, donc c'est une jeune femme de 25 ans, elle a quitté l'école il n'y a pas si longtemps que ça, donc son travail est en processus de développement. Jean-Paul est déjà, lui, en 55, il a déjà une reconnaissance tant en Europe, il expose aux États-Unis, il fait des expositions à l'international et tout ça. Donc, il y a déjà un bout de chemin de fait et il est déjà connu. Et Mitchell, d'ailleurs, elle-même va le dire quand elle écrit à son ex-ami et qu'elle lui dit « Ce soir, je rencontre le grand Riopel ». Donc, elle est déjà au courant du personnage. Ouais. Comment ça se passe, de fait? Dans quelles circonstances ils se rencontrent? Puis comment ça se passe, cette première rencontre en 55? En fait, Joan va, à la suggestion de sa psychologue, va prendre un moment de recul dans sa production et va se rendre à Paris à l'été 1955. Donc, une vacance, si on veut. Et à Paris, à ce moment-là, ben, il y a une communauté d'artistes américains qui y sont. Hein, on sait, par exemple, qu'il y a certains artistes qui sont là parce qu'ils ont des bourses du gouvernement américain pour aller se parfaire, soit dans différents domaines. Donc, cette communauté-là, ben, Joan, bien sûr, en connaît quelques-uns. Elle les contacte. Et puis Italie, bon, il y a des gens qui lui disent, ben, écoute, tu te joins à nous ce soir, on a un party ou on a une fête et tout ça. Et c'est à l'occasion de une de ces rencontres-là qu'il fait connaissance de Jean-Paul Riopel. Ouais, parce que lui, Fred, dans ses tout à fait, lui est très lié avec ce groupe-là. Hein, ouais. Parce que je donne simplement un nom, un artiste comme Sam Francis, par exemple, ben, était un des grands amis de Jean-Paul, donc lui fait partie du groupe. Donc c'est parti, en 55. Les premières années, par ailleurs, de cette relation-là, c'est une relation qui va se vivre à distance, parce que Joan vit toujours à New York, Jean-Paul est installé à Paris. Ça se passe comment, cette relation à distance? Ça se passe relativement bien. C'est sûr que Jean-Paul, bon, elle est là l'été, elle passe donc les vacances d'été, où... puis elle garde son atelier à New York, où elle, bon, durant l'année, parce que Joan a toujours des expositions très régulières dans une galerie à New York, donc elle travaille continuellement. Et l'été, ben, elle loue des ateliers ici et là, puis passe l'été avec Jean-Paul. Et ça se passe très bien. Parce bien sûr, ils font des excursions. Ben, c'est le jeune couple amoureux. Ouais. Alors, tout est beau. À ce moment-là, ça va se corser un peu plus tard, puis on y viendra. Mais là, c'est vraiment la lune de miel. Ouais. À distance, en plus, ça attise un petit peu, justement, le désir. Et ce qui est fascinant, c'est que très tôt dans cette relation... parce que c'est une relation à distance, que Internet n'existe pas encore. Il y a toute une correspondance que vous avez vue en partie et qui nous en dit beaucoup, cette correspondance, sur la manière dont les deux artistes vont s'influencer mutuellement dans leur peinture. Ouais. Et là-dessus, je dois dire que Jean-Paul est beaucoup plus révélateur que Joan pouvait l'être. Je dois dire qu'il en parle plus, il s'ouvre davantage là-dessus. Et il dit à un moment donné, bon, surtout après le premier été, donc ils ont passé ensemble, il y a des mois où il ne peint plus. Et je ne suis plus capable de peindre. Il faut que je fasse autre chose. Finalement, c'est là qu'il s'y met à la gouache. Parce qu'il dit, je vais essayer un nouveau médium. En prenant une distance par rapport à son travail en peinture, en faisant le travail de la gouache, il se rend compte, finalement, que si on travaille de gouache, il y a quelque chose de Mitchell dedans. Et il l'écrit. Il prend grand plaisir à lui avouer, écoute, je suis devenu ton élève, tu es ma maîtresse ou mon maître, mais il rajoute le SSE après. Et bon, il l'avoue. Ce soir, j'ai fait un Mitchell. Et il prend grand plaisir à lui dire ça fait partie. Ils vont travailler côte à côte, je dirais, tout le temps, en fait, parfois séparés, mais chacun poursuit sa démarche pendant toutes ces années, contrairement à d'autres grands couples de créateurs. Je pense, par exemple, à Niki de Saint-Phalle et Jean Tingley. Jamais Joan Mitchell et Jean-Paul Riopel ne vont travailler à un projet commun. Pourquoi? D'abord, ces deux artistes-là ont toujours travaillé de façon très secrète. Très, très rares sont ceux qui ont vu soit l'un ou l'autre en train de travailler. C'était impossible. Et c'est des artistes qui n'acceptaient pas, justement, difficilement le regard de quelqu'un sur la production. Et c'est absolument impensable que, bon, on pouvait peut-être échanger tout ça. Mais je voyais très mal, soit l'un ou l'autre, avoir dans son dos le regard de son vis-à-vis. C'est absolument impossible. Donc, encore moins pensable l'idée de travailler un projet commun. Non, à ce moment-là, non, sûrement pas. Joan rejoint Riopel en 59. Ils vont vivre dans l'appartement de la rue Frémicourt dans le 15e. Comment ça se passe? À quoi ressemble cette période où ils deviennent, donc ils font vie commune? Oui, ils font vie commune. Ils habitent donc rue Frémicourt dans un grenier, si on veut. Et donc Joan a son atelier là. Mais Jean-Paul, lui, n'a pas d'atelier à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a un atelier, mais il y a un atelier à Vendre, en banlieue de Paris. Donc, lui travaille là. Encore une fois, on rejoint ce qu'on vient de dire, là, c'est que chacun travaille dans son lieu. Il y a un lieu de rencontre qui est le côté appartement de la résidence. Ça se fait de façon tout à fait agréable, c'est sûr, mais c'est un lieu aussi de rencontre. Hein. C'est souvent un lieu de rencontre où les amis sont là, c'est très actif comme atmosphère. Il y a tout le temps du monde. Il y a toujours du monde, effectivement. Ouais. Ils vont donc vivre là quelques années, puis c'est dans les années 60, surtout à la fin des années 60, où vraiment la relation, qui est une relation passionnée dès le départ, mais il faut encore se remettre le tableau en tête, sans faire de mauvais jeu de mots, deux passionnés, deux personnalités très fortes, deux compulsifs, ça donne une relation tumultueuse. Et ça, avec le temps, ça sera de plus en plus tumultueux. On va écouter un extrait du documentaire Jean-Paul Riopel, réalisé par Pierre Houle en 1999. Vous allez entendre sur cette relation, sur la nature de cette relation, vous allez entendre Joan Mitchell, suivi d'Isotre Riopel, du peintre Norman Bloom et du peintre Alex Costa. The early 60s, they were very violent. Then I went into a hard... Au début, dans les années 60, ça a été très violent. J'ai passé un mauvais moment. Je préfère l'oublier. Let's not remember. Je crois qu'avec John, ils ont vraiment plongé tous les deux dans une espèce de relation très forte, très violente et très liée à l'alcool. They call me sauvage in Europe, so I take it on. En Europe, On m'appelait sauvage parce que je suis franche et directe. Je dis ce que je pense et ça dérange. On doit être diplomate, mais pour moi, c'est de l'hypocrisie et du mensonge. Je crois la force entre les deux, ça a donné quelque chose dans l'art, je ne sais pas. Mais c'est comme j'ai dit à beaucoup de gens, attention avec John et Jean-Paul, fais attention, tu peux être un pauvre morceau de jambon entre deux grands morceaux de pain comme ça. C'était comme deux locomotives qui roulaient sur le même rail, un contre l'autre, n'est-ce pas? C'était la folie, n'est-ce pas? Elle était complètement folle, et Jean-Paul aussi. Et chacun complimentait la folie de l'autre, n'est-ce pas? C'était beau à voir, ils s'engueulaient toujours. Mais John travaillait et Jean-Paul travaillait, n'est-ce pas? Chacun à son côté. Pas simple, évidemment, cette relation. Comment décrire cette relation-là, M. Martin? Il y a beaucoup d'éléments. En fait, on entend que des versions très, très rapides. Il y a beaucoup d'éléments à considérer. Il faut savoir que Jean-Paul, il y a toujours eu une aventure ici ou une aventure là. Il est certain que... Et John avait les siennes aussi, apparemment, mais ça, je ne l'ai pas pu vérifier avec eux, ouais. Malheureusement. Mais il faut penser aussi que... on a parlé d'alcool et tout. L'alcool, et crée justement chez certaines personnes des relations violentes. Hein. C'était le cas, en tout cas particulièrement chez John, puis tous les gens à qui j'ai parlé m'ont toujours dit que John provoquait, elle était dans un état de provocation. Ouais. Mais tout ça sur une base d'un profond respect, c'est ce qui est étonnant, un profond respect du travail de l'un et de l'autre. Oui, parce que sur le plan du travail, en fait, il y a le respect, puis il y a le... l'influence mutuelle qui va se poursuivre. Dans les années 60, au milieu des années 60, en fait, c'est peut-être là où ils seront le plus proches. Il y aura l'émergence d'un mouvement, le mouvement de figuration narrative. Puis là, vraiment, je ne sais pas s'ils s'en parlent, mais ils se rejoignent dans ce qu'ils font. Écoutez, on peut faire abstraction. Un couple qui vit pendant 20-50 ans, qui sont dans le même lieu, inévitablement ont des échanges, ils ont des discussions, ils se parlent de ça. Ils ne sont pas toujours non plus dans un état d'alcool avancé. Ils avaient probablement des moments plus calmes dans leur journée. Et donc, il y avait ce genre de discussion-là, c'est très certain. Ouais. Là, ils vont se mettre à faire, donc, par exemple, les triptyques. Ça arrive à ce moment-là, tous les deux. Ben Jean-Paul a commencé à faire des polyptiques au début des années 50. On pense à une œuvre qui est très connue, qui est Pavane de 53, par exemple. Bon, ben ça, c'est déjà pour lui, c'est un fait. Il travaille déjà sur cette forme de composition-là. Pour John, c'est nouveau. Elle travaille dans des très grands formats. Mm-hmm. Tous les expressionnistes abstraits ont travaillé dans ces immenses formats-là. Mais la formule du triptyque vient... Mais elle est imposée. Oui, il peut avoir un rapport avec l'influence du travail de Jean-Paul, mais il y a aussi la nécessité par rapport aux lieux dans lesquels elle travaille. Ce sont des lieux le plus souvent exigus qui ne permettaient pas donc, de faire des très, très grands formats. Donc, elle coupe. En fait, elle faisait plusieurs panneaux pour raconter ou pour peindre un tableau. Parlez-moi des titres, Michel Martin, parce que là aussi... on voit clairement, d'abord, qu'ils travaillent l'un et l'autre ensemble à trouver des titres, et puis qu'il y a des titres qui sont vraiment en lien direct avec la vie personnelle du couple. C'est souvent les lieux, des titres qui sont évocateurs de lieux, de temps. Oui, dans les premières années, je sais qu'ils ont des séances de titres, ce qu'ils appelaient des séances de titres. Et à un moment donné, John lui écrit, elle est à New York ou à Chicago, je ne me souviens plus, où elle lui dit « Écoute, j'ai besoin de toi, je manque de titres. J'ai besoin de tes titres, tu vois. » Et après ça, surtout dans le cas de John, à partir de la fin des années 60, 1970, bien qu'on dise toujours que les titres ont été mis ou ont été donnés au tableau après que ceux-ci aient été exécutés, les titres sont toujours révélateurs de quelque chose. Les titres racontent quelque chose. Mm-hmm. Ils sont référence à une personne, au départ d'une personne, à la mort de quelqu'un, la mort d'un chien, un de ses chiens, par exemple. L'arrivée d'un enfant ou un lieu. Ouais. Vétheuil, bien sûr, les éléments de Vétheuil réapparaissent dans ces titres. Il y a des titres qui rendront hommage de tableau de John à Jean-Paul. De mémoire, c'est Maple Leaf Forever, son Canadien. Oui, ben alors, c'est ça, c'est que faut savoir qu'à ce moment-là, c'est John vient d'acheter la propriété de Vétheuil et Jean-Paul, lui, bien sûr, est arrivé et il a planté dans le jardin, au fond du jardin, un érable. Mm-hmm. Alors, c'était comme une espèce de pas d'emprise, mais de façon de marquer le lieu avec sa présence à lui. Ouais. Chasse interdite en 73, en revanche, là, c'est le conflit. Il y a un tableau qui s'appelle Chasse interdite. Il y a un tableau qu'elle a intitulé Chasse interdite, qui a plusieurs, apparemment. Bon, c'est sûr qu'il y a tout le différent entre Jean-Paul et John Mitchell au sujet de la chasse. On sait que Jean-Paul est un passionné de la chasse et de la pêche. Et depuis la fin des années 60, régulièrement, il a toujours fait, mais surtout dans ces années-là, il revient au Canada, il fait des excursions de chasse et de pêche, et puis il fait aussi la chasse là-bas en France, c'est certain. Et John détestait ça. Mm-hmm. John était une amoureuse des animaux, bien sûr, donc tout ce côté violence faite aux animaux, elle l'acceptait pas. Chasse interdite. Et il y a une autre version qui a été donnée par une de ces, une dame qui a vécu avec elle ces dernières années, où elle fait la référence à l'idée d'abandon à travers chasse interdite. Si tu vas à la chasse, tu me quittes. La chasse est intense parce que c'est la question de l'abandon aussi. Ouais. Donc, ça va se poursuivre, cette relation, sur 25 ans, avec ses hauts, ses bas, avec cette influence mutuelle quand même toujours, ce respect des deux artistes l'un pour l'autre. Et puis, ça se termine en deux temps, au fond. On y reviendra à la mort de Joan un peu plus tard, mais la relation qui se termine, la rupture, ça, c'est la première mort de cette relation-là, en 1979. À nouveau, un extrait du documentaire Jean-Paul Riopel de Pierre Houle. Vous allez y entendre John Mitchell et Isaac Riopel. I didn't move to Europe. I got involved with a painter. Je ne suis pas déménagée en Europe. J'étais seulement en amour avec un peintre qui vivait là. Who's that? He's a Canadian painter. C'était qui? C'est un peintre canadien-français. French Canadian painter. He doesn't have a name. Il n'a pas de nom? Bien sûr. J'étais sa maîtresse. I was his mistress. Oh, I see. Chez Jones, la rupture, ça se traduit dans ses œuvres. Ça se traduit par la rage et par la gestuelle. Alors que chez Jean-Paul, c'est vraiment la période où il n'a utilisé que deux ou trois couleurs, c'est-à-dire le noir et le blanc. Il a toujours dit que de toute manière, le blanc était la couleur de la mort. Donc, une certaine manière de la rupture. Et l'autre couleur qu'il va intégrer, ça va être dans les sanguines. Il va utiliser le fusain et la sanguine. Donc, il y a trois couleurs qui sont très, très chargées de signification. Cette rupture de 1979, ça sera très, très difficile à vivre pour John Mitchell. C'est fascinant, l'extrait qu'on vient d'entendre. Au début, elle ne veut même pas nommer le nom de Jean-Paul Riopel. Non, elle est profondément blessée. Blessée par la trahison, parce qu'il faut savoir que Jean-Paul la quitte avec une jeune femme qui était en fait devenue une amie de John, une jeune peintre qui travaillait, qui passait les étés avec elle. Elle lui rendait des services, c'est sûr. On a dit qu'elle était la gardienne des chiens. Ouais. Et il reste quand même que Jean-Paul revient, puis il séduit cette jeune femme-là, et finalement, ils vont laisser John toute seule. Et ça, John l'a très mal pris. C'est vraiment cette idée de la trahison. Ouais. Mais c'était une rupture annoncée. Quand Isaac Riopel parle des tableaux noirs de Jean-Paul, il y a l'équivalent dans le travail de John à ce moment-là, qui est la série des Tielles, par exemple, qu'elle va faire dans les années 78, qui sont des tableaux particulièrement dramatiques. Ouais. Et elle va peindre son grand tableau de la rupture, John Mitchell, qu'elle va intituler La vie en rose. Ouais. Racontez-moi cette histoire-là. La vie en rose, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, au début de la relation, quand elle rencontre Jean-Paul Riopel, elle écrit à son ex-amant, qui était un peintre américain, Michael Goldberg, et qui lui dit, elle lui dit, la vie en rose commence. Donc, la vie en rose, bien sûr, la référence à la chanson de Piaf et tout ça. Donc, c'est un peu le bonheur promis. Et donc, 25 ans plus tard, elle fait un tableau qu'elle intitule « La vie en rose ». Mais ici, bon, le bonheur est brisé, bien évidemment. Et c'est un peu avec dérision qu'elle appelle ce tableau-là « La vie en rose ». Voilà ce que c'était, « La vie en rose ». Et c'est un tableau particulièrement lourd d'atmosphère, très dense, un peu apocalyptique à quelque part au niveau de la luminosité. Et c'est un tableau qui est lourd de sens, c'est évident. Pour Riopel, en fait, le grand choc viendra plus qu'au moment de la rupture, parce que c'est lui qui la quitte d'une part, mais au moment de la mort de John Mitchell, il va se mettre à ce tableau, à cette œuvre gigantesque, son hommage à Rosa Luxembourg. On écoute Huguette Vachon, la dernière compagne de Riopel, raconter cet épisode dans le documentaire de Pierre Houle. Au début, Jean-Paul n'a pas parlé du tout quand il a fait Rosa Luxembourg. Je pense que sa douleur était trop grande et puis on était très silencieux les premiers jours dans la maison. Il y avait énormément de silence, énormément de douleur. Jean-Paul s'était arrêté depuis à peu près une année de travailler. La mort de Joan a été un grand choc pour lui et puis ça lui a donné une énergie qui est allée chercher dans sa douleur, puis je pense dans le goût de transcrire des choses importantes qu'il avait vécues. Tout ce qui est parti pendant sa vie, toutes les mortalités, les séparations, il a vraiment écrit l'histoire de sa vie là-dedans. Que dire de cette œuvre, Hommage à Rosa Luxembourg, Michel Martin? Ah, c'est une œuvre magistrale. On dit toujours c'est le testament de Jean-Paul Riopelle. Il est vrai que, dans le fond, tout cet immense triptyque en 30 panneaux raconte Joan Mitchell, raconte sa relation avec Joan, mais raconte plus que ça aussi. Il y a toute une vie derrière ça. Il y a des éléments. Il y a à la fois lui et à la fois elle. Mmh. C'est une œuvre qui est codée, dans le sens qu'il y a plein de signes et de sigles et des choses comme ça qui à un moment donné, quand on se met à scruter leur signification, on se rend bien compte que c'est une vie qui est racontée. Ouais. C'est toute une vie. Et cette œuvre codée, ça, c'est un premier clin d'œil à Rosa Luxembourg. Exact. Pourquoi d'abord Rosa Luxembourg? Ben, Rosa Luxembourg, bien sûr, Jean-Paul aimait beaucoup justement ce personnage qui était une révolutionnaire, donc qui avait été emprisonnée et qui avait de sa prison envoyé des lettres justement avec qui étaient codées comme ça, et puis pour éviter qu'on puisse les lire, les interpréter. Et c'est un personnage qui a toujours fasciné Jean-Paul Riopelle. Et il faut penser aussi que, bon, le Rosa, le mot rose, hein, on a vu La vie en rose. Il appelait Joan Mitchell sa Rosa Malheur, en référence, bien sûr, à Rosa Bonheur, qui était le peintre alimentier du 19e siècle, une femme peintre. Donc, toute cette idée du rose, la couleur rose, est très importante. C'est une espèce de... ils se rejoignent là-dedans, en fait, autour de cette thématique-là. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, Michel Martin, de ces deux géants, Riopelle Mitchell? Comment se comportent-ils dans la place, par exemple, qu'ils occupent l'un et l'autre aujourd'hui dans le monde de l'art? C'est assez intéressant parce que, dans le fond, on va redécouvrir ces deux artistes-là. Joan Mitchell, en tout cas pour ce qui est de notre côté à nous, est peut-être un peu moins connu, je pense, je parle du large public. Canadien, c'est une figure de premier plan au niveau international actuellement. L'œuvre de Joan Mitchell, elle est célébrée depuis les années après son décès, mm-hmm. et surtout depuis l'an 2000. Il y a eu plusieurs rétrospectives qui ont été consacrées à son œuvre sur le plan international. Et puis Jean-Paul, ben, ça permet justement de le revisiter et le revoir avec une nouvelle lumière. Mm-hmm. Et on espère aussi que justement les Américains et les autres au niveau international vont regarder Riopelle à travers cette relation qu'on est en train de démontrer. Michel Martin, commissaire de l'exposition Mitchell-Riopelle, un couple dans la démesure, présenté au Musée national des beaux-arts du Québec, à Québec. Merci infiniment d'être passé nous voir. Je vous en prie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.